Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gameozo 107 FM. Nous sommes le vendredi 7 janvier 2022. Nous sommes en direct, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont, David et Virginia, des bougies, c'est mieux, jérômoises, qui sont là pour nous parler de leur métier, des bougies jérômoises et de tout ce qu'ils font. Donc bonjour à tous les deux. Eh ben bonjour Christopher, merci beaucoup de nous avoir invités tous les deux, Virginia et moi-même, sur la radio Gameozo. Avec plaisir. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à tour de rôle ? Alors, quelques mots, moi, David Muller, on fait des bougies, effectivement, des bougies artisanales sur Gérardmer, dans notre fabrique, dans notre atelier, qui se trouve, c'est pratique, juste en face de la place du marché, justement. On a fait ça sur l'idée, notamment, de Virginia. Oui. Donc, on est sur la place du marché à Gérardmer. Donc, effectivement, c'est mon idée. On était parti au départ pour faire des savons et on a viré comme ça sur des bougies. Et on est bien content. Et c'est une affaire qui tourne depuis 2017. Voilà. Ouais, ça fait 4 ans maintenant quasiment qu'on a démarré ça. On a rattaché l'activité sur une autre activité que j'avais auparavant. Et puis, donc on a démarré tranquillement. Au début, j'avais 8 parfums sur le stand lors de mes tout premiers marchés sur un stand qui faisait 2 mètres de large. J'avais mis 8 petits paniers, les 8 parfums qui me plaisaient à moi, qui plaisaient aussi à Virginia. Et puis, progressivement, les gens avaient toujours une petite phrase qui était « Vous n'auriez pas la bougie un tel ou la bougie autre ?» C'est-à-dire un parfum qu'on n'avait pas. Bon, là, là-dessus, on se dit « On n'a pas, c'est bien, mais quand même, on va essayer de trouver. » Du coup, on travaille nos parfums, on fait appel à nos parfumeurs qui se trouvent à Grasse, là, dans le sud de la France. Et puis, on a toujours réussi, quasiment toujours, il y en a une qu'on n'a pas réussi à faire, mais on a quasiment, à 99%, réussi à créer la bougie que les gens demandaient. Ce qui fait que moi, je rappelle le client, je lui dis, écoutez, votre bougie, on l'a faite, venez la chercher, et toujours, le client était content. Ça fait vachement plaisir. Bien sûr. Donc, du coup, les clients peuvent vous demander des bougies à presque tous les parfums ? C'est ça. Quasiment. Ouais. D'accord. Tous les parfums. On a créé la bougie cuir, on a créé la bougie choco. Alors, un gamin m'avait demandé une fois la bougie, une bougie au Nutella. Bon, on connaît l'odeur. Oui. C'est une odeur plutôt agréable. Et il a fallu la faire. Donc, chocolat, noisette, en mélangeant tout ça, on a obtenu une bougie qu'on a appelée choco-noisette. Autre exemple est que j'ai dans la main, alors la radio ne permet pas de voir, mais j'ai pris dans la main, j'ai ramené de mon stock une bougie au parfum d'un chewing-gum assez connu qu'on a appelé Malabar Fraise. Mm-hmm. Toujours la même histoire, un gamin qui voulait une bougie avec cette saveur de Malabar. On lui a fait, donc on obtient une bougie très sucrée, une bougie avec une belle couleur rouge, dans son petit pot hexagonal qu'on voit quand on vient me voir sur le stand ou à la fabrique. Et puis les bougies, justement, nous à la radio, l'avantage, comme vous le dites, c'est qu'on on peut voir ce que c'est. C'est vrai qu'elles sont plutôt jolies, je trouve, et même la couleur est plutôt agréable à regarder, je trouve. Voilà, de toute façon, on peut voir sur votre site internet les différentes bougies, enfin certaines des bougies que vous proposez. Toutes. J'en ai mis sur le site, il y en a un peu plus de 60. Alors non, c'est pas vrai, pas toutes. Il y en a toujours qui sont en cours de test. Il y en a toujours que je mets pas forcément sur le site. Mais celles qui sont en cours de test, c'est des bougies dont je suis pas encore tout à fait sûr. Parce qu'avant de les proposer à la clientèle, on les teste à la maison. Alors on les fait comme si c'était pour des clients. On les allume dans toutes les pièces dans la maison, les petites pièces, les grandes pièces, et on teste, et on voit ce que ça donne. On les laisse brûler parfois toute la nuit, parfois on les allume 2 heures, et puis on les éteint, on les rallume, on les éteint, parfois même on les chronomètre pour voir combien de temps elles vont durer. Donc le tout, si on fait des tests, c'est pas pour rien, c'est déjà que moi je veux être à l'aise quand les gens me demandent des questions sur mes produits, je veux le connaître totalement par cœur, et puis je veux surtout être sûr de ce qu'on fait. Si je dis que cette bougie sent le Malabar, c'est que ça sent le Malabar. En tout cas, pour moi, pour Virginia, et pour tous les gens pour lesquels on a des retours. Donc, du coup, chez vous, ça doit sentir bien bon, du coup, quand... c'est ça. Ça sent très fort, ouais. Surtout qu'on en met plusieurs. Ouais. Donc, selon j'en la pièce... dans toutes les pièces, en fait. Ah, bah, ouais. Voilà. Mais donc, du coup, il est important, du coup, de préciser que toutes les bougies sont faites artisanalement. Oui. Donc, c'est vous qui faites tout de A à Z. On fait tout. On fabrique notre cire avec de la cire de soja... et que j'assouplis un petit peu, c'est mon petit secret, avec de la noix de coco bio, de l'huile de noix de coco bio qu'on trouve dans tous les commerces. Ce qui permet aussi une durée plus longue. Oui, d'accord. Oui, parce que le soja, ça brûle doucement, et donc elle va légèrement s'assouplir. Et puis, l'avantage d'une bougie coulée, c'est pas une bougie moulée, c'est une bougie coulée, c'est-à-dire elle est dans un contenant, dans un pot, un petit pot hexagonal qui contient à peu près 80 grammes de cire. Donc, la mèche va brûler à l'intérieur, mais je ne veux surtout pas que ça creuse, je ne veux surtout pas perdre de la matière. Donc, on a une cire qui est plutôt souple, ce qui fait qu'avec la chaleur de la bougie, ça va fondre l'intégralité. Sur un centimètre, en gros, ça va fondre la cire. Et tout doucement, ça va descendre pour peu qu'on ne l'éteigne pas, évidemment. Ce qui fait qu'on va brûler l'intégralité de la cire. C'est pour ça que je mets de la noix de coco. C'est pour assouplir un petit peu ce petit mélange. D'accord. Et du coup, toutes vos bougies, donc aussi c'est important de le préciser, sont faites sans paraffine. Zéro paraffine. Zéro paraffine. Ouais. Ah non, surtout pas. Et la paraffine, qu'est-ce que c'est? C'est une substance solide tirée du pétrole pour imperméabiliser le papier. Alors, la paraffine dans le monde des bougies a un intérêt dont moi je n'ai aucune utilité, c'est que la paraffine, lorsqu'elle fige, elle se rétracte. D'accord. Alors on imagine une sphère, une pyramide ou simplement un cierge qui serait moulé dans un tube. Lorsque vous avez mis votre mèche, lorsque vous avez coulé votre cire, lorsque vous avez attendu suffisamment longtemps pour que la cire soit bien dure, là, pour démouler, c'est un vrai bonheur. On va avoir une bougie bien lisse, bien propre. Pour faire un cierge, par exemple, c'est super. Personnellement, je ne fais pas, ou très très peu, de bougies moulées. Moi, je fais des bougies coulées, c'est-à-dire qu'il y a toujours un contenant. Donc moi, j'ai plutôt intérêt à ce que ma cire fonde plutôt bien. Et deuxième raison, c'est comme vous l'avez dit, la paraffine, c'est pétrolier. C'est pas l'esprit de la maison. Moi, je ne veux pas qu'on brûle du pétrole quand on brûle une bougie. Je ne veux brûler que des cires végétales. Et dans les cires végétales, on trouvera le soja et la noix de coco qu'on utilise habituellement pour faire nos produits. Et en plus, c'est meilleur pour la santé que la paraffine. Peut-être au niveau de l'odeur ou peut-être au niveau des résidus dégage la bougie. Fumée, très peu de fumée avec du soja et de la noix de coco. Alors il y en a toujours un petit peu, il n'y a pas de feu sans fumée, ni de fumée sans feu. Bien sûr. Ça va fumer un petit peu quand vous éteignez votre bougie tout simplement. Là, on a un petit peu de fumée due à la combustion de la mèche qui s'éteint progressivement. Alors ce que je dis aux gens, ma foi, c'est si on veut éviter la fumée, il suffit de reboucher la bougie quand la flamme est en route. Moi j'ai une capsule dessus qui permet d'une part la conservation du parfum lorsque la bougie n'est pas utilisée, et puis d'autre part d'étouffer la flamme très proprement, sans dégagement de fumée. Alors de la fumée, il y aura toujours un petit peu, on n'allume rien sans faire un peu de fumée, mais honnêtement, par rapport à une bougie paraffine... Après, j'en brûle peu. Je sais pas trop si ça fume énormément, la bougie paraffine. Mais disons qu'avec ce type de cire-là, on met les meilleures chances de notre côté. D'accord. Et justement, un peu plus tôt, vous parliez de la durée de combustion de la mèche, de la durée que votre bougie brûle. Donc, combien de temps dure la brûlure? Enfin, combien de temps votre bougie brûle-t-elle? Voilà. Alors, moi, après vérification, je dirais 27 heures. D'accord. Et David, lui, pour être sûr de pas dire de bêtises, on sait jamais, d'une bougie à l'autre, ou si vous l'éteignez plusieurs fois, ou si vous la laissez tourner en temps complet, lui, il va dire 20 heures. Mais moi, j'ai déjà mesuré jusqu'à 27 heures. D'accord, donc une journée complète, plus ou moins. Bah, on avait fait un concours. On avait pris 10 bougies au hasard dans le stock, on les allumait toutes les 10 en même temps, Et on était chaud bouillant à côté, limite avec un chronomètre, pour justement mesurer nos bougies. Alors on les allumait toutes en même temps, on les éteignait toutes en même temps, elles avaient toute la même vie. Et puis, on a regardé celle qui s'est éteinte en premier, celle qui s'est éteinte en dernier. Alors, la dernière s'est effectivement éteinte après 25, 26 heures. 27 heures. Alors pourquoi ? Parce que j'avais mis un peu plus de cire dedans. Non, tout simplement, on les avait pas éteintes toutes en même temps, en fait. On en avait laissé tourner en continu, et d'autres qu'on avait éteintes justement pour voir la variante. Exact. Et on était quand même monté jusqu'à 27. Mais toi, quand t'es sur le marché et que les gens te posent la question, tu réponds 20 heures. Pour être sûr de pas... Parce que David est quelqu'un de très, très intègre. D'accord. Donc, faudrait surtout pas qu'on dise à quelqu'un que la bougie tienne 27 heures et qu'elle tienne que 26. Hein. Il s'en remettrait pas. Donc, ouais, c'est peut-être un esprit professionnel aussi. C'est très pro, ouais, effectivement. Je crois qu'on peut parler d'un minimum de temps de brûlage de 20 heures. On sera dans le vrai. Voilà. Et donc, justement, peut-être que nos auditrices et auditeurs se posent la question et se disent, ouais, d'accord, la bougie brûle 20 ou 27 heures, mais du coup, l'odeur, est-ce qu'elle reste 20 et 27, ouais. Alors, 27 heures ? Elle reste totalement, parce qu'en fait, quand on fabrique nos bougies, on fond le parfum dans la masse entière. D'accord. Donc, on ne met pas du parfum uniquement au-dessus. Ce qui va durer 2 heures, quoi. Nous, on fond vraiment tout le parfum dans la masse. Donc, tout le temps où la bougie brûlera, le parfum sera là. Voilà, même après 25 heures de brûlure. Voilà. Donc, il est 14h, presque 13. Donc, avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous avez choisie, Virginia, me semble-t-il, et que nous écoutions pour commencer le célèbre chanteur The Weeknd, avec son non moins célèbre morceau, avec son tube, je dirais même Save Your Tears, pour donner quelques références comme j'aime bien le faire. Et je sais que nos auditrices et auditeurs apprécient également quand je le fais. Ce morceau est plutôt typé New Wave Synth Pop. Il est sorti en 2020 et il est issu de l'album After Hours de The Weeknd, album sorti le vendredi 20 mars 2020. Il s'agit d'ailleurs du 4e album solo du chanteur, mais aussi de son 6e album en tout. Ce titre a connu un énorme succès lors de sa sortie et a connu plusieurs remixes d'ailleurs. Tout le monde a déjà entendu ce morceau au moins une fois dans sa vie. Et si jamais, par hasard, vous n'avez pas encore entendu, on écoute tout de suite, du coup, The Weeknd avec son titre Save Your Tears. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away. I make you cry when I run away. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Vous êtes bien sûr toujours en direct, il est 14h17. Et vous venez d'écouter The Weeknd avec son célèbre titre intitulé Save Your Tears. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de David et de Virginia, des bougies jérômoises, qui sont là pour nous parler des bougies, de la structure, etc., etc. Ça va toujours ? Ça va nickel. Ah, impeccable. Parfait. Donc, Virginia, nos auditrices et auditeurs sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi ce morceau de The Weeknd ? Parce que je pense que c'est dans l'air du temps. Alors, par contre, pas du tout pour les paroles, parce que j'y comprends rien. D'accord. Du tout. D'ailleurs, aux trois titres. C'est plutôt pour le move, en fait. Et puis pour l'artiste, et puis voilà quoi, c'est ce que j'écoute en ce moment, tout simplement. D'accord. Et puis ça, des morceaux qui, les trois morceaux, c'est des morceaux qui donnent, qui ça donnent la pêche. Quand même, ouais. Voilà, qui cartonne. Même si le dernier de Alanis Morissette, voilà, je spoil un petit peu, passe un message un peu plus profond. J'en parlerai juste. Ouais, pas de souci, pas de souci. Mais ça a rien à voir avec le message en fait. C'est vraiment, ce qui moi m'inspire dans le moment. Ok, parfait. Donc on va reprendre cette émission. Donc comment appelle-t-on quelqu'un qui fabrique des bougies ? Est-ce qu'il y a un mot particulier ? Un bougicien ? Non, je ne l'ai jamais trouvé. Alors moi je dis un bougitier. D'accord. Parce que d'abord ça me fait plaisir. Ok. J'imagine que du temps du Moyen-Âge, on appelait ça plutôt un cirié, c'est-à-dire celui qui faisait monter et descendre ses cierges, qui fabriquait les cierges. On avait le cirié, le maître cirié, etc., etc. J'aime moins. Moi, j'aime bien le bougitier, donc je décide que je suis et nous sommes bougitiers, bougitières, en la commune de Gérardmer. Voilà. Mais c'est cirié le vrai terme. Ouais. D'accord. Bah, donc vous êtes du coup les uniques bougitiers de Gérardmer. Vous les cirier, du coup, les uniques cirier de Gérardmer. Donc, du coup, il est important aussi de préciser que les bougies gérômoises n'ont pas de local ou de structure particulière. Pas de magasin. Pas de magasin. Alors, voilà. Les points de vente, enfin, pour me trouver et pour trouver les bougies et pouvoir mettre son nez dedans et puis renifler un petit peu tout ça parce qu'il y a tellement d'odeurs qu'il faut y passer un peu de temps. On peut me trouver au marché de Gérardmer, tous les jeudis matins, tous les samedis matins de l'année. Mmh. On peut me trouver au marché de la Bresse le dimanche matin toute l'année. Ça fait 4 ans que je fais ces deux marchés, donc maintenant j'ai ma petite place tout le temps, et puis je mets mes 4 mètres de stand, je ramène 85 bougies sur le stand. Les gens passent, ouvrent les bougies, mettent leur nez dedans, ils testent tout, et tout le monde est content. Sur Gérardmer, en dehors des horaires de marché, plutôt les après-midi en général, je suis à ma fabrique. D'accord. Ma fabrique qui se trouve à Gérardmer, au 72 rue Charles de Gaulle, juste en face de la place du marché, de l'autre côté de la route. Là, j'y suis et je travaille, je teste des odeurs où je refais du stock. Donc pour me trouver, il n'y a pas d'enseigne, c'est pas du tout un magasin. Donc il faut m'appeler, il faut sonner à la porte, il faut les gens en général, ceux qui aiment mes bougies et qui ont envie d'en avoir d'autres. Passe, m'appelle avant. Vous êtes là, vous êtes dans votre atelier. Oui, j'y suis. Bah écoutez, j'arrive, pas de problème. Ils viennent et puis là, on peut discuter sur place. Et puis surtout, ils peuvent tester toutes les bougies qu'ils voudront dans l'ambiance de travail. Donc au milieu des parfums, au milieu des pots vides, au milieu des mèches, au milieu des bouteilles de parfums, en veux-tu, en voilà. Et dans mon petit bazar à moi, quoi. Mmh. Et donc, du coup, 72 rue Charles de Gaulle à Gérardmer. Mmh. Et le numéro de téléphone, si jamais on veut vous contacter. Alors, mon téléphone, donc, c'est le 06 78 43 29 23. Qu'on retrouve aussi sur mon site internet qui est bougie au pluriel jérômoise au pluriel.fr. Sinon, dans un moteur de recherche, vous mettrez bougie jérômoise et vous le trouverez tout de suite. Mm-hmm. Donc, de toute façon, dès lundi matin, quand je mettrai le podcast sur la page Facebook et le site internet, je mettrai tous les liens utiles pour vous retrouver, le numéro de téléphone. Merci. Le site internet, comme ça, ils ont juste à cliquer ou à composer leur qui est marqué sur l'écran et comme ça, ils pourront vous contacter directement. Mm-hmm. Donc, du coup, vous l'avez dit au début d'émission, à l'époque, vous proposiez un certain nombre de parfums de bougies. Mmh, 8. 8, voilà. Et donc, aujourd'hui, à peu près 80. Au plus. On en a... alors, au dernier recensement, j'étais à 96. D'accord. J'étais à 96 parfums, tout confondu. Je n'en vends pas 96. Il y en a certains qui sont encore en phase de mûrissement, en phase de test. Donc ceux-là, je ne les proposerai que quand je serai moi-même satisfait. Donc allez, à la vente, on en a 80, 85. Voilà, et donc les autres, bah, c'est des parfums qui sont tout jeunes, ou des parfums que j'essaye, ou des parfums pour lesquels j'ai pas encore trouvé la meilleure formule, parce que je procède parfois par tâtonnement pour trouver le bon dosage de parfum. Il en faut ni trop ni trop peu. Si j'en mets trop peu, ma foi, on le sent pas bien. C'est pas le but de la manœuvre. Si j'en mets trop, ça peut risquer d'être un peu entêtant, de sentir trop fort. Alors je tâtonne, et à chaque fois on teste. Et ce qu'on propose à la clientèle, c'est quelque chose qui a été largement mûri. Donc jamais je me presse pour faire un parfum nouveau. Mais c'est un vrai travail, presque un travail de chimiste, avec les dosages, les choses comme ça. Alors, dosage, oui. Bon, quand je fais une bougie mélangée, je parlais tout à l'heure de ma chocolat noisette, mais ça marche aussi avec la bougie mûre-myrtille ou la bougie, tiens... Cette patchouli. Ouais, cette patchouli. Je pense surtout, je regarde ma Vivi, enfin Virginia, là. Je pense aussi à cannelle orange, parce que du temps de Noël, les gens avaient besoin, me demandaient un parfum particulier, un mélange cannelle et orange. J'avais jamais essayé ça. On a testé, on a mis un moment avant de trouver le bon mélange, et puis la bougie cannelle orange, c'est vrai que ça sent bon Noël, ça sent bon les fêtes, ça sent bon... ça va bien sous le sapin, ça. Donc les gens en ont pris pour ça, justement, pour se faire des petits cadeaux, et puis surtout, l'odeur plaisait. Elle plaisait aux gens qui m'ont demandé ce parfum nouveau. Et puis par extension, comme c'est sur le stand et que les gens y testent, ils essayent, ils ouvrent les bougies, on discute... Ah, c'était une idée qui a pas mal tourné, ça, du temps de Noël. On a trouvé notre petit parfum de Noël. Alors, merci aux personnes qui passent sur le stand, merci à celles qui discutent et qui surtout me demandent des petits défis à relever, et me demandent des parfums que j'ai pas et que j'adore justement fabriquer pour eux, quoi. Et ça, c'est comme ça qu'on progresse, justement. D'accord. Et donc, du coup, même sans brûler la mèche de la bougie, l'odeur se fait sentir? Alors, si vous n'allumez pas une bougie, simplement le fait de l'ouvrir, déjà le parfum va commencer à se diffuser. Parce qu'on avait vu que le parfum était noyé dans la masse. Là, de ma main droite, qu'on verra toujours pas, j'ai ouvert ma bougie Malabar. Je donne pas 10 minutes à Christopher qui est dans sa régie pour la sentir. Ça va embaumer. Donc ça marche. On peut la laisser comme ça, sans qu'elle soit du tout allumée. Ça va embaumer. C'est ce que je fais d'ailleurs sur mon stand. Je les ouvre toutes. Donc d'accord. J'ai 60 bougies à peu près qui sont ouvertes en permanence sur mon stand. Et je les laisse ouvertes. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs jours que ces bougies sont ouvertes, eh ben elles finiront par moins sentir. Donc je les remplace. Je les remplace par des bougies neuves qui n'ont jamais été décapsulées. Je les remplace par des bougies qui sentent plus fort. Et puis ces bougies-là qui disparaissent, que je ne vendrai pas de toute façon, elles ne sont pas là pour ça, ce que je fais, c'est que je les ramène à la maison. Je les donne à Virginia et on les allume dans la pièce. Alors c'est vrai que ça sentait moins, le parfum du dessus c'est parti, on va dire. Mais le fait de la brûler une heure, on récupère tout le parfum qui est mélangé dans la cire, dans la masse, et c'est reparti pour un tour. Et du coup, nous, on est forcés et contraints de brûler des tonnes de bougies à la maison, ce qui n'est pas du tout pour nous déplaire d'ailleurs. Bien sûr, j'imagine. Et donc, du coup, quels sont les outils que vous utilisez pour fabriquer, je ne sais même pas si on parle de fabrication de bougies, mais quels sont, du coup, les outils, est-ce qu'il y a des outils particuliers pour faire les bougies? Alors, la cire se travaille toujours à chaud. D'accord. Donc, la première chose à faire pour que la cire soit utilisable, c'est de faire un mélange. Un mélange de soja et de noix de coco. Eh ben, je prends une casserole, je prends un réchaud, j'ai une plaque de cuisson, je fais chauffer tout doucement ma cire pour qu'elle devienne liquide. Là, je fais mon premier mélange de cire. Ensuite, là-dessus, je passe sur une autre casserole, c'est une cafetière là que j'utilise. Et puis, je mets ma cire dedans, et là, je rajoute le colorant et le parfum. Et après, je mélange tout ça avec un... Comment ça s'appelle? Un mixeur. Un mixeur, merci Virginia. Je mélange tout ça pour que ce soit bien homogène. T'as donc, déjà fixé ta mèche dans ton... Dans ouais, ton ouais, la mèche est déjà prête. Même qu'elle sera à l'avance. Ouais. Donc mon mélange est prêt, je le mélange bien. Donc on a mes cires, le parfum, le colorant. Je mets ça de côté au chaud sur une plaque chauffante. Mes mèches m'attendent, elles sont déjà préparées la veille. Donc je les colle au fond de mes récipients, au fond de mes pots, pour être sûr déjà que la mèche ne bouge pas, qu'elle reste bien au milieu. Et les mèches qui sont prêtes de la veille, justement, j'aligne une dizaine de pots. En général, je travaille par avec 800 grammes de cire, je fais une dizaine de pots. Et je coule de la cire chaude et liquide à l'intérieur des pots. Ensuite, on maintient la mèche là, pour pas qu'elle se barre sur le côté du fait de la chaleur. Et on attend une heure. Et la cire va refroidir tout doucement. Elle va refroidir jusqu'à se figer totalement. Lorsqu'elle est figée totalement, je coupe le haut de la mèche, je laisse 1 cm et la bougie est née. Après, il ne me reste plus qu'à faire les étiquettes que j'imprime. Mm-hmm. Je mets une petite pellicule de plastifié sur l'étiquette pour l'étanchéifier, parce que quelquefois dehors, c'est un peu humide. Je ne voudrais pas que ça abîme mes étiquettes. Et puis, esthétiquement, c'est un petit côté brillant, sympathique. Je referme le pot, la bougie est faite. D'accord. Ok, donc du coup, pour faire une seule bougie, combien de temps ça vous prend pour une seule bougie? Alors, je fais jamais qu'une seule bougie, je travaille toujours par 10, mais je dirais en une demi-heure, je crois que je fais un cycle complet. Hein. Je travaille doucement, je travaille toujours selon mes habitudes, je me suis jamais pressé pour faire les choses, donc je prends le temps qu'il faut. Mais dans une après-midi, je vais faire 40, 50 bougies à peu près. À peu près. Je les mets toutes ensemble. J'aime bien faire ça, parce que je voudrais qu'elles sèchent. Enfin, quand je dis elles sèchent, en fait, je devrais plutôt dire qu'elles figent. Tout doucement. Alors, je les serre les unes les autres comme un troupeau de moutons, là, qui aurait froid. Je les serre les unes contre les autres pour justement garder le maximum de chaleur. Et que ça la cire puisse durcir le plus lentement possible. C'est beaucoup mieux. J'ai pas de défaut dans la cire quand elle a figé tout doucement. Donc je les serre, j'attends. Et j'attends une heure, deux heures. C'est pas grave, on prend le temps qu'il faut pour bien les faire. Pour proposer du coup la meilleure qualité possible aux clientes et aux clients. Ouais, exactement. Et donc justement, en parlant de clientes et de clients, voilà la petite parallèle. Une question sûrement qui doit se poser, le prix. À quel prix vendez-vous vos bougies? Alors actuellement, j'ai un peu monté mes tarifs. D'accord. Parce qu'il n'a échappé à personne que les prix montent aussi sur la matière première, sur beaucoup de produits actuellement. Eh ben oui, moi aussi, il a fallu que j'augmente légèrement mes tarifs pour pouvoir faire face à ça. Parce que mes pots, je les achète, c'est des pots de miel au départ. Je les achète à un apiculteur qui me vend ses pots afin que ces pots-là puissent devenir bougies. J'achète mes cires, j'achète tout ça, les parfums aussi, et tout ça, ça a pris un peu de prix. Donc, sur le stand, je vends ma bougie au tarif unitaire de 7 euros actuellement. Les gens qui prennent 4 bougies, je fais une petite réduction, je vends 25 euros les 4 bougies. C'est vrai. Voilà. C'est abordable. Sur le site aussi, je vends 7 euros la bougie, parce que le site permet la vente en ligne. C'est-à-dire que les gens commandent, me donnent leur adresse, précisent s'ils veulent être servis via Colissimo, via Mondial Relais, ma foi. Et puis moi, je réceptionne la commande, je la prépare, et puis je l'envoie directement à destination. D'accord, donc c'est 7 euros pour toutes les bougies, du coup. C'est un prix unique. Toutes les bougies sont au même prix. Lorsque j'ai parfois des demandes un peu plus spéciales de bougies avec des formats plus gros. Les gens qui me connaissent et qui apprécient mes produits, parfois me demandent des bougies plus grosses. Alors je prends un pot de confiture, j'aime bien le recyclage. Donc je récupère à droite à gauche des pots de confiture qui contiennent l'équivalent de 3 bougies. Et ces pots-là, justement, je les vendrai 20 euros sur le stand avec le parfum au choix. Mais c'est toujours là-dessus, je travaille toujours à la demande. Il arrive parfois même aussi que les gens m'apportent un contenant, un vase, une bougie qui a servi et qui est vide. Et là, à ce moment-là, on va la remplir et en faire une nouvelle bougie parfumée, toujours parfum au choix parmi ce que je peux proposer. D'accord. Donc il est 14h presque 32. Avant de nous intéresser davantage à tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que Virginia a choisie une nouvelle fois et que nous écoutions cette fois-ci le groupe de rock américain REM avec leur morceau intitulé Bang and Blame. Voilà, accent anglais toujours présent, nos auditrices et auditeurs le savent. Toujours au niveau des quelques références, c'est un morceau du coup typé rock, il est sorti en 1994 et il est issu de l'album Monster de REM. Album sorti le lundi 26 septembre 94 en Europe et le mardi 27 septembre aux États-Unis. Il s'agit du 9e album studio du groupe et pour la petite anecdote, dans cet album, il y a plusieurs niveaux d'écoute avec des références à l'image de soi, tant dans les médias que sur le plan personnel, en particulier en matière de sexualité. Alors, on écoute ce morceau de REM et on se retrouve juste après, d'ici près de 5 minutes quand même. Donc, à tout de suite sur Radio Game Ozone. You're going to roll right. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM. Vous venez d'écouter le groupe REM avec leur morceau intitulé Bang and Blame. Et nous sommes toujours bien sûr en direct. Il va être 14h38 déjà. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de David et de Virginia, des bougies giromoises qui sont là pour nous parler des bougies et de tout ce qu'ils font. Voilà. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie? Tout à fait. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence musicale. Voilà, vous n'allez pas y échapper. Pourquoi ce morceau de REM? Ah, parce que je suis fan de Michael Stipe. Le chanteur, du coup. Fan, vraiment. Voilà. Mais vous ne comprenez pas les paroles. Alors, je ne comprends pas les paroles du tout. C'est plutôt tout ce qu'il y a autour, en fait. Ça bouge, ça met du peps, et puis voilà. Tout simplement, c'est une bonne raison aussi. Donc, du coup, on va reprendre cette émission. Donc, dans la confection des bougies, j'imagine qu'il y a quand même un... Je crois que vous en avez parlé d'ailleurs, David, qu'il y a quand même un ajout de colorant. Exactement. Je rajoute toujours un colorant parce que j'aurais pu laisser mes bougies. Alors la cire au départ, elle est toute blanche. D'accord. Alors l'avantage du blanc, c'est que bah on peut le colorer facilement. J'ai voulu mettre du colorant, justement pour donner un peu de couleur sur mon stand, pour personnaliser les bougies, pour aussi les repérer rapidement à l'œil. Bien sûr. Et voilà, donc personnaliser ça comme ça. Et puis l'avantage des couleurs, c'est que ça m'a donné l'idée d'une bougie qui est née totalement par hasard, que j'appelle la bougie multitruc. D'accord. Alors, c'est quoi ce multitruc? Bah justement, je n'en sais absolument rien. D'accord. C'est une bougie qui est sur le stand, c'est une bougie que je vends un peu moins cher parce que c'est une bougie qui est faite de tous les petits restes de cire qui me restent dans ma gamelle. Quand j'ai coulé mes 10 bougies, parfois il me reste un tout petit peu. Alors, ce tout petit peu-là, j'aime pas gâcher. Je le mettais au début dans un gros pot avec une grosse mèche pour nous. Ça me faisait une petite épaisseur rouge, mettons. Le lendemain, je faisais des bougies bleues ou des bougies vertes. Tiens, la bougie sapin, que j'appelle mon beau sapin. La bougie sapin, j'avais un petit reste de colorant vert. Donc, je rajoutais une petite couche de vert sur ma couche rouge de la veille. Bref, au final, couche après couche, j'avais rempli mon pot totalement. Et puis, un jour, des clients passent à la fabrique comme ça, en me disant « Mais tiens, c'est marrant ça, une bougie qui est toute multicolore. » Je dis « Bah effectivement. » Et puis, bon, bah, ils sont repartis avec, ma foi. Je leur avais donné, ils étaient tout contents. Et alors, du coup, cette bougie-là, puisque ça plaît aux gens, je la mets sur le stand. Je la vends moins cher que les bougies. Elle doit être à 15 euros au lieu de 20. Et puis, je l'ai appelé multitruc parce que lorsqu'on me demande ce qu'il y a dedans, je suis obligé de répondre, je n'en sais absolument rien. Je ne note pas ce que je mets dedans à chaque fois. Puis j'aime bien le petit côté hasardeux de la chose. Lorsque les gens l'achètent et la brûlent, on ne sait pas ce qu'on va brûler. Surtout, les parfums vont se mélanger entre eux, donc ça va faire un mélange qui n'existe nulle part ailleurs. Un truc totalement inattendu, improbable. Merci Virginia, c'est juste, c'est tout à fait le mot. Improbable. Ça va donner, c'est un peu la bougie du joueur, ça. C'est un peu la bougie, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, je l'ai appelé multitruc. Multitruc, parce que dedans, comme on ne sait pas ce que c'est, il y a des trucs. Et comme il y en a plein, multitruc, c'était un nom qui s'imposait. Elle est assez rigolote. Je la mets sur le stand depuis quelques temps maintenant. Elle plaît beaucoup. Ouais, elle plaît aux gamins, elle plaît à tout le monde, en fait. Alors, j'en ai pas beaucoup, forcément, c'est des restes. Mais c'est le hasard, et quelquefois, quand on travaille, parfois les questions des gens, parfois le hasard, les discussions mènent à des choses dont on n'aurait jamais eu l'idée soi-même si on n'avait pas tous ces échanges constants avec les gens, avec mes clients, avec les gamins qui passent, avec tout le monde finalement. Ça, c'est super, parce que moi, ça me permet de progresser et d'inventer au fur et à mesure, tout en me faisant plaisir. Nous, on se fait plaisir avec Virginia quand on travaille. Eh ben, c'est la seule chose que je demande, moi. Voilà, donc après la pochette surprise, du coup, la bougie surprise. Mais du coup, est-ce que les colorants, ils ont une quelconque incidence sur le parfum qui est dégagé par la bougie ou pas forcément? Pas du tout, c'est toujours une question de dosage. D'accord. Les parfums, pour le dosage, on a un peu tâtonné avant de trouver le bon équilibre. Les colorants, c'est pareil. J'ai pas mal tâtonné avant de trouver le bon équilibre. Je voulais pas des bougies trop pastel. Au début, j'en mettais pas assez. J'avais des bougies très, très pastel, sympa, mais pas tout à fait ce que je voulais. Après, ça a évolué. Bon, j'en ai mis un petit peu plus. Alors, j'ai des doses quand même, limite à ne pas dépasser, pour assurer une bonne combustion. Il y a quand même des marges qui se doivent d'être respectées, tant pour les parfums que pour les colorants. Donc, moi, je navigue un peu à l'œil et au gré de mes envies, à l'intérieur tout de même de ces marges. Parce que c'est quand même quelque chose qui se fait selon des critères, des marges hautes et basses. Les parfums, je sais que je vais pas en mettre au-delà d'un certain pourcentage, et les colorants, c'est pareil. D'accord. Et donc, du coup, vous, Virginia, vous participez également à l'élaboration des bougies avec David ? Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous avez des tâches que vous faites chacun, ou est-ce que vous faites un peu tout alors, tous les deux? Ça va dépendre. Si je suis toute seule à la fabrique parce qu'il est au boulot et qu'il a d'autres choses à faire, si on est tous les deux, moi je vais m'occuper de la cire, du soja, lui va s'occuper du parfum, du colorant et de verser dans les pots. Donc après, chacun son nettoyage de son côté. Et puis, si je suis toute seule, je fais tout de A à Z, y compris pour lui. S'il est tout seul et que je suis pas là, il fait tout de A à Z. En fait, on se complète quand il y a besoin de se compléter. Justement, c'est intéressant ce que vous dites quand David est au boulot, parce que bougetier ou cirier, ce n'est pas votre seule branche, votre seul métier. Non, je suis effectivement à mi-temps. Donc, voilà. J'ai aussi une autre activité qui n'a absolument rien à voir et que je fais depuis plus longtemps que les bougies, parce que les bougies datent de 2017, mais depuis 2005, je me suis aussi établi comme développeur informatique, webmaster, quoi. Je fais et je vends des sites internet, donc sous ma propre marque qui est Octelibre, ma foi. Mm-hmm. Bon, je vais pas trop m'apesantir là-dessus. On reste sur les bougies, mais mon activité de développeur, c'est vrai que me demande aussi pas mal de temps. Donc je développe pas mal pour pas mal de clients. Et ça me prend pas mal de temps. J'ai mon ordi qui est toujours aussi à la fabrique. C'est là que je fais, que je navigue dans mon code, justement, voilà, pour proposer les sites. J'ai donc mon serveur et puis je place dessus des sites que j'héberge moi-même. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, le site internet bougie-joromoise.fr, c'est vous qui l'avez fait Évidemment, oui. Oui, je l'ai fait. Oui, bien sûr, je l'ai fait moi-même. En fait, je sais gérer les noms de domaine, l'hébergement. Je sais aussi faire des sites qui s'adaptent à tous les supports, qu'on appelle responsives, donc qui vont fonctionner sur un écran, aussi bien que sur un téléphone portable que sur une télé. Tout ça, donc je grandis au niveau de mon code comme je grandis au niveau de mes bougies. À chaque fois, on évolue. Voilà. Et pour, du coup, on va en revenir du coup aux bougies, vu que c'est le sujet principal de l'émission. Donc, du coup, quelques parfums en stock chez vous. Du coup, il y a parfum banane, barbe à papa, parfum bébé. Ouais. Mustela. Pardon ? Mustela. Ça sent le Mustela. Ça sent le Mustela. Je ne connais pas, mais certainement. C'est un lait de toilette pour bébé, en fait. D'accord, ok. Il y a patchouli, j'ai déjà entendu ce mot, mais je ne sais pas ce que c'est. Le patchouli. C'est un parfum. Ah oui. Bah, le patchouli, c'est... chaque parfum ayant sa petite histoire. Sur le stand, le patchouli, on adore ou on déteste. Le patchouli, c'est pour moi un peu le parfum années 70. Un peu les années, baba cool, j'ai envie de dire. Moi, j'associe ça à cette période-là. Et j'ai des clients qui adorent le patchouli, qui en achèteront plein. J'ai des gens qui testent le patchouli, qui connaissent pas, qui vont aimer. Et j'ai des gens qui détestent cette odeur. Mais c'est pour ça que j'ai plein de parfums sur le stand. Il en faut pour tous les goûts. Bien sûr. Et les gens qui aiment patchouli n'aimeront moins certains goûts qui sont dans les bougies du stand, et inversement. Donc, le fait d'avoir une grande variété de parfums permet aussi à chacun de trouver son petit bonheur en sentant, en mettant son nez dans le panel de bougies que je peux proposer sur le stand, justement. D'accord. Ça varie du sucré, du fleuri à l'épicé, en fait. Tout à fait. Rose, thé noir, ou encore un petit dernier, je sais pas, je vais prendre au hasard sur le site, parce que j'ai le site actuellement sous les yeux, éclat d'amande, voilà. Alors éclat d'amande, ça sent la frangipane, et c'est vraiment d'actualité en ce moment, ça sent la galette des rois, en fait. Ben voilà. Enfin, de toute façon, sur le site bougie au pluriel-jeromoise au pluriel.fr, il y aura vous pourrez retrouver tous les parfums en stock et toutes les informations nécessaires. En plus, une petite vidéo de présentation que vous avez réalisée, David. Voilà. Alors, je ne l'ai pas réalisée moi-même, la vidéo de présentation. Elle a été faite par, par l'Office de Tourisme. Donc, merci à l'Office de Tourisme. Donc, eux, ils avaient ils ont sur place une personne, Mathieu, qui était très, très fort en photo, en vidéo. Et lui proposait à ses adhérents, justement, de faire une petite vidéo sur place. Alors, moi, j'ai dit, OK, hein, l'office qui me propose de faire une petite vidéo que je peux mettre sur mon site, j'ai dit, pas de problème. Et donc, cette vidéo-là, je la diffuse sur mon site des bougies. Voilà, et on voit du coup le processus de fabrication que vous faites. Donc vous coupez le haut de la mèche, quand vous versez la cire, quand vous posez l'étiquette, etc. Alors, etc. C'était l'idée pour répondre d'une manière imagée, d'une manière vidéo. Bon, c'est une vidéo qui dure quoi, une petite minute, une minute trente. On essaye de montrer dans cette vidéo tout le processus de fabrication. Donc là, on voit tout. On voit les cires qui chauffent, on voit le colorant, on voit un moment... Je verse mon parfum dans ma gamelle, là. Et puis on voit que la cire, alors en accéléré quand même, on voit une bougie qui fige, donc elle devient de bleu très foncé, elle devient un peu plus bleu ciel. On voit bien le séchage, le durcissage pardon en cours. Et puis jusqu'à la fin, jusqu'à couper les mèches, fermer, préparer les étiquettes, fermer le pot. Et la dernière image de ce petit reportage vidéo, c'est sur le stand, justement, sur le marché de Gérardmer, où une personne a accepté d'être filmée de dos en train de m'acheter une bougie. Donc c'est rigolo parce qu'on a toute la trame et toute la méthode de fabrication de la bougie du début à la fin. Voilà, c'est vrai. Donc il est 14h15. 49 déjà, donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale, c'est mieux, que vous avez choisi, Virginia, à nouveau, et cette fois-ci, nous allons vous parler un petit peu plus tôt dans cette émission, la chanteuse canadienne Alanis Morissette, avec son titre Reasons I Drink. Donc toujours au niveau des quelques références, cette chanson est plutôt typée rock. Qu'elle est sortie en 2020, je crois, et elle est issue de l'album Such Pretty Forks in the Road de Alanis Morissette, album sorti le vendredi 1er mai 2020. Il s'agit du 9e album studio de la chanteuse, et dans ce morceau, justement, pour faire un petit peu un contexte, Alanis Morissette nous parle de son addiction à l'alcool et du combat qu'elle mène. Quatre versions de l'artiste apparaissent lors d'une réunion d'alcooliques anonymes, révélant les différents événements l'ayant conduit à se réfugier dans l'alcool. Et si on parle un petit peu anglais, on comprend un petit peu son histoire. J'y comprends rien. J'aime juste la chanson. Voilà. Donc du coup, on écoute Reasons I Drink de Alanis Morissette et on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine, even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though a break from this joy. I don't even think I would quit. And these are the reasons I can't even see straight. And these are the ones whom I know it so deeply affects. And I am. Et du coup, vous êtes de retour sur Radio Gamozo. C'était Reasons I Drink, donc les raisons pour lesquelles je bois, pour la traduction de Alanis Morissette sur Radio Gamozo, du coup. Vous êtes toujours, nous sommes toujours en direct, il va bientôt être 14h55, et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France et même dans les pays frontaliers, car je sais qu'on nous écoute en Suisse, en Belgique, en Allemagne et même au Québec, justement grâce à cette application et notre site internet. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de David et de Virginia, des bougies girondoises, qui sont là pour nous parler de tout ça pendant encore quelques minutes, car on arrive déjà à la fin de cette émission. Tout va toujours bien ? Très bien. Impeccable. Parfait. Donc, Virginia, je vais vous demander pourquoi cette chanson, mais vous l'avez dit avant, pour du coup, déjà, parce que vous aimez bien Alanis Morissette. Oui, j'aime bien Alanis Morissette, et c'est plutôt pour tout le move qu'il y a derrière. Ça met la pêche. Après, les paroles, je ne les comprends pas du tout, et puis... peu importe, mais non, moi ça me donne la pêche. Bah, c'est des paroles, justement pour nos auditrices et auditeurs, c'est des paroles assez fortes, que en gros Alanis Morissette, pour grossir un petit peu, pour globalement, elle parle de son addiction à l'alcool et les raisons pour lesquelles elle boit et les raisons pour lesquelles elle dit à tout le monde que tout va bien alors que tout va mal de son côté. Voilà, c'est. Mais c'est vrai que le rythme, il est plutôt sympa. Ouais, c'est entraînant, moi je trouve. Moi je suis contente quand j'écoute ça. Ça me met la patate le matin. Ouais. Donc, du coup. Qu'elle continue de boire à la limite. Quand même. Du coup, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Elle a passé super rapidement, je l'ai trouvé. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé ou est-ce qu'on en a déjà dit pas mal de choses? Il me semble avoir fait le tour. On a évoqué, on a dit qu'on, bon, on a évoqué les moyens de s'en procurer tout de même, parce que c'est bien le tout d'en parler. Mais si quelqu'un en veut une, il faut bien qu'il puisse me joindre. Bien sûr. On a parlé des étapes de fabrication. On a parlé de ce que je mettais à l'intérieur de ma recette. Du début aussi. Pardon. Du début. D'où début. C'est parti. Oui. Mais surtout, on n'a pas dit que tu étais quand même vachement investi dans ce que tu faisais. Tu es vraiment à fond dans ton truc, quoi. Ouais, mais oui, mais ça, je m'en rends pas forcément. Non, mais ça se rend compte. Ça se ressent. Ça se ressent, vous êtes vraiment passionné par votre métier de cirier, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'aime bien bougitier. De bougitier, alors. Voilà. Ok, donc justement, on va peut-être pouvoir rappeler les informations utiles. Donc, pour vous retrouver, comment pouvons-nous faire? Numéro de téléphone, adresse mail, adresse de site internet? Alors, sur le site, on retrouve toutes mes coordonnées. Bougie Géromoise, tapez ça dans un moteur de recherche, ou Bougie Gérardmer, vous me trouverez facilement. Mon site, c'est www.bougie-géromoise.fr. Mmh. Bougie-géromoise.fr. Mon téléphone, 06 78 43 29 23. Si je réponds pas, eh ben messagerie, ma foi, je vous rappellerai juste après. Et puis voilà. Pour venir sur place, le 72 rue Charles de Gaulle à Gérardmer. C'est juste en face de la place du marché. Donc, ce qui est pratique, c'est que quand il n'y a pas de marché, il y a un parking. Donc, vous pouvez vous garer en face, un petit coup de téléphone, et puis j'ouvre la fenêtre, je vous fais coucou, et on se voit tout de suite. Là, vous pouvez venir à titre privé, bien sûr, dans ma fabrique. Vous pouvez venir tester les bougies. Vous pouvez venir quand vous voulez, quand je suis là. Je suis là en général les après-midi, la semaine. Et on peut aussi préciser qu'on descend à Armiremont tous les 15 jours. Exact. Je descends à Armiremont tous les 15 jours. Il m'arrive parfois, lorsque les clients me le demandent, de livrer sur Armiremont, ou alors on se retrouve à la gare, mais d'amener un colis de bougies, ce qui évitera les frais de port. C'est bien, parce que les frais de port, c'est pas anodin. Donc, si on peut éviter ça, c'est aussi bien. Ça m'arrive aussi, évidemment, sur Gérardmer et les environs proches, lorsque quelqu'un veut 6-7 bougies à la maison, de me déplacer, de profiter d'une course pour faire un saut chez un particulier pour lui amener des bougies. Bon, globalement, c'est vrai que j'en vois beaucoup en dehors de Gérardmer, j'en vois dans tout le nord de la France, j'en vois tous les gens qui me connaissent. Donc, il y a beaucoup de gens de Picardie, de Bretagne, de... très peu en international. J'en vois très très très peu en Belgique, mais beaucoup, ouais, le nord, le quart nord-est de la France, et puis j'ai aussi dans le sud quelques personnes qui sont venues en vacances ici, qui ont pris des bougies, ça leur a plu, et ils voulaient se refournir en bougies. Mais comme ils n'étaient pas sur place, ma foi, on n'avait pas le choix de les envoyer. Donc là, ils se rendaient sur le site, ils étaient en commande, et, ou alors ils m'appelaient, et puis... Je les envoyais comme ils le souhaitaient. Voilà, et du coup, sur les marchés, voilà, toutes les semaines. Le marché jeudi et samedi, les matins. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc, je vous remercie une nouvelle fois, David et Virginia, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, samedi, à 18h, avec le podcast de cette émission, posté sur notre page Facebook, sur notre site internet, la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail, si vous voulez la récupérer. Bah, merci à vous également de nous avoir invités. Et puis, pas de problème, je veux bien la recevoir, l'émission. Je la mettrai sur mon site. Avec plaisir. Et donc, je vous laisse d'ici quelques secondes avec Dominique. J'ai aimé, je vous le lis. Et quant à nous, on se retrouve lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc, merci de votre fidélité à Radio Gamozo. Et du coup, je laisse la parole à Dominique pour son émission J'ai aimé, je vous le lis. Donc, merci encore. Et du coup, à lundi.